بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. Bienvenue à vous, chers auditeurs, chers auditrices de Radio Mirat Al-Anbiya, et que Allah subhanahu wa ta'ala récompense en bien ceux qui sont à l'origine de cette radio. Nous sommes toujours dans le fondement qui est le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur et patienter et endurer face à l'injustice des gouverneurs musulmans. Et Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala nous montre comment les pieux prédisseurs Ridwanullah Alayhim ont mis en application cette pratique de la patience et de l'endurance face à l'injustice et à la tyrannie des gouverneurs. Et ils ont agi ainsi tout simplement pour éviter les préjudices, pour éviter les séditions, les troubles, pour préserver le sang de la communauté musulmane. Il fait partie de cela ce qu'a cité Cheikh Rabi Hafidhahullah concernant l'imam Ahmad rahimahullah. Dakar al-allamatu Rabi'u al-madkhali hafidhahullah an l'imam Ahmad rahimahullah zaman al-mihna haythu qala ja'a fi dhikri mihnati l'imam Ahmad ibn Hanbal في صفحة 70 إلى 71 لحنبل بن إسحاق قوله فلما ظهر الواثق هذه المقالة وضرب عليها وحبس جاء نفر إلى أبي عبد الله من فقهاء أهل بغداد فيهم بكر بن عبد الله وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم وغيرهم أتوا أبا عبد الله وسألوا أن يدخلوا عليه فاستأذنت لهم فأذن لهم فدخلوا عليه فقالوا له يا أبا عبد الله إن الأمر قد فشى وتفاقم وهذا الرجل يفعل ويفعل وقد أظهر ما أظهر ونحن نخاف على أكثر من هذا وذكروا له أن ابن أبي دؤاد مضى على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن القرآن كذا وكذا. إيه دوك الشيخ ربي حفظه الله تعالى يسيت ce qui est rapporté de la grande épreuve de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Hein? Quand un certain nombre, Hanbal ibn Ishaq dit que quand l'Watiq, qui est l'un des khalifs de Banu al-Abbas, de la dynastie abbaside, a fait apparaître et veut imposer aux gens le fait que le Coran est une créature, et il a emprisonné beaucoup de monde. Un certain nombre d'hommes de science sont venus voir Abi Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, parmi les hommes de science de Bagdad. Il y avait parmi ces hommes de science Bakr ibn Abdillah, ou Ibrahim ibn Ali al-Matbahi, ou Fadl ibn Asim et d'autres. Ils sont venus voir Abi Abdillah, ils ont demandé l'autorisation de rentrer chez lui, et Hanbal ibn Ishaq a demandé l'autorisation et les a fait rentrer chez l'imam Ahmed. Ils lui ont dit, « Abba Abdillah, la situation est énorme maintenant. » Et cet homme, il parle du khalif, l'Watiq. Il fait cela, il fait ceci, et il a fait apparaître ce que tu sais. Hein? C'est-à-dire qu'il a fait apparaître le fait que les gens doivent croire, comme quoi le Coran est une créature, l'Aidan Billah. Et nous avons peur pour plus que ça. Ils lui ont raconté aussi que Ibn Abi Du'ad, qui est l'un des hommes les plus proches et qui fait partie des conseillers du Watiq et qui est à l'origine de toute cette fitna avec d'autres, il est sur le point d'ordonner aux profs d'enseigner aux gamins dans les écoles coraniques de leur enseigner le fait que le Coran est une créature. فقال لهم أبو عبد الله وماذا تريدون قالوا أتيناك نشاورك فيما نريد قال فما تريدون يا ابو عبد الله لغادي qu'est-ce que vous voulez maintenant vous voulez quoi nous sommes venus nous concerter avec toi sur ce que nous voulons faire قالوا لا نرضى بامرته ولا بسلطانه فناظرهم ابو عبد الله ساعة حتى قال لهم وانا حاضرهم ارايتم ان لم يبق لكم هذا الامر اليس قد سرتم من ذلك الى المكروه عليكم بالنكرة بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر ودار بينهم في ذلك كلام كثير لم أحفظه واحتج عليهم أبو عبد الله بهذا Ils ont commencé à lui dire On n'accepte plus le pouvoir de ce gouverneur. Nous voulons plus son pouvoir. Abu Abdillah a dit, bah, tu as vu que une heure. Hein? Une heure ici, ça ne veut pas dire une heure, ça peut être plus. Hein? Mais un laps de temps qui était long. Et il leur a dit, et celui qui rapporte, il dit, et j'étais présent. Il dit, si vous n'arrivez pas à prendre ce pouvoir, vous n'arrivez pas à ce que vous voulez, hein? Vous êtes tombé dans une situation détestable. C'est quoi la situation détestable? D'avoir pris les armes contre le gouverneur, d'être rébellé contre le gouverneur. Il faut que vous blâmiez ce qu'il fait avec vos cœurs. Blâmiez ce que vous voyez comme mal avec vos cœurs. Et ne désobéissez pas. Ne divisez pas les musulmans. Ne faites pas couler votre sang et le sang des musulmans. Et méditez bien le but de ceux le but et la fin de ce que vous voulez faire, vers où ça va amener. Ne vous précipitez pas, patientez jusqu'à ce que un pieux se repose d'un pervers, hein, ou alors hein, on soit reposé hein, et débarrassé du pervers. Et il y a eu une grande discussion entre eux et beaucoup de paroles que le rapporteur n'a pas mémorisées. Et Abu Abdillah Imam Ahmed a accompli des preuves pour eux, hein, devant eux. فقال له بعضهم إننا نخاف على أولادنا إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره ويمحى الإسلام ويدرس. فقال أبو عبد الله كلا إن الله عز وجل ناصر دينه وإن هذا الأمر له رب ينصره وإن الإسلام عزيز منيع. Et certains parmi eux ont prétexté. Ils disent, nous avons peur pour nos enfants, parce que cette aqida, hein, apparaît et se propage, ben nos enfants vont connaître que ça. Et donc l'islam va tomber dans l'oubliette. Hein? Et Abu Abdillah leur a dit, non, détrompez-vous. Allah a fait triompher sa religion. Et cette religion, il a un souverain qui l'a fait triompher et qui la protège. Et l'islam, c'est quelque chose hein, de fort, quelque chose hein, de géant chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجيبهم إلى شيء مما عزموا عليه أكثر من النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة حتى يفرج الله عن الأمة فلم يقبلوا منه. Ils sont sortis de chez l'imam Ahmed. Il ne leur a pas répondu. Hein? Il n'est pas rentré avec eux dans leurs idées. Il ne les a pas encouragés à faire ce qu'ils voulaient faire. Il n'a fait que leur interdire ce qu'ils voulaient faire. Et il leur a ramené des preuves concernant le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur dans l'obéissance à Allah, jusqu'à ce que la communauté soit délivrée, soit soulagée. Hein? Ils n'ont pas accepté de lui. وقال أبو بكر الخلال في السنة وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. أبو بكر الخلال dans السنة dans son livre السنة dit Abu Bakr al-Marrudi nous a annoncé, il a dit, j'ai entendu Aba Abdillah, c'est-à-dire Imam Ahmed, ordonner le fait de ne pas faire couler le sang. Et blâmer d'un grand blâme le fait de se rebeller contre le gouverneur. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد وإبراهيم أنهما كره الدم يعني في الفتنة. إيه عبد الله بن أحمد دين toujours le Khalal qui rapporte que عبد الله بن أحمد leur a annoncé, il leur a dit que mon père nous a dit que Muawiyah ibn Hisham leur a annoncé, on leur a dit que Soufiane leur a annoncé de Mansour, de Mujahid, qui leur apporte de Mujahid et de Ibrahim Nakhai, hein, que tous ces grands hommes de science détestaient le fait de couler le sang. À quel moment? Au moment des troubles, au moment des rébellions, au moment des séditions. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا أمر به. Et toujours Abu Bakr al-Khalal qui rapporte, qui dit, il m'a été annoncé par Muhammad ibn Abi Harun, qui le rapporte de Muhammad ibn Ja'far, que Abu al-Harith leur a dit que j'ai posé la question à Abu Abdillah, c'est-à-dire Imam Ahmed, sur un événement qui est arrivé à Bagdad. Et certaines personnes allaient se révéler, ont l'intention de se révéler. Et je lui dis, Abba Abdillah, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on peut sortir avec ces gens-là? On peut se révéler avec ces gens-là? Et il a blâmé ce qu'il vient de lui dire. Et il l'a rejeté. Il lui a dit, gloire à Allah, subhanallah, il faut préserver les sons. Il l'a répété deux fois. Il faut faire attention aux vies humaines. Hein? Il dit, je ne vois pas ça. Et je ne leur donne pas. Patienter sur laquelle, dans laquelle nous sommes, est mieux que les séditions, est mieux que les troubles, est mieux que le fait de faire couler le sang, et le fait que les fortunes vont être gaspillées, vont être pillées, les biens vont être pillés, etc. Hein? Ce qui est sacré va être pollué, il y aura des viols, et ainsi de suite. Il dit, tu ne sais pas la situation. Abu Abdillah lui dit, tu ne sais pas la situation dans laquelle étaient les gens au moment de la fitna. Et l'homme lui a dit, et les gens, aujourd'hui, ne sont pas dans la fitna, Abu Abdillah? Ils ne sont pas dans une séduction, dans un trouble maintenant? Il lui a dit, certes, mais c'est une fitna spécifique, c'est-à-dire qui concerne un domaine bien réservé. Il n'y a pas le sang qui coule. Hein? Il dit, mais si le sang coule, s'il y a l'arme qui est prise, ben la fitna va se propager. Hein? Et les routes, il n'y aura plus de sécurité. Il y aura l'anarchie. Il vaut mieux patienter dans cette situation et que ta religion soit épargnée. Il vaut mieux ça. Et je l'ai vu blâmé d'un grand blâme et interdire d'une grande sévèrement le fait de se rebeller contre les gouverneurs. Et il a dit préservez le sang, je ne leur donne pas ça, je ne leur donne pas le fait de se rebeller. قال الشيخ ربيع معلقا بعد نقله لما سبق فموقف الإمام أحمد هذا مستمد من منهاج النبوة في حماية الأمة من الفتن التي تؤدي إلى سفك الدماء ونهب الأموال وإهدارها وقطع السبل إلى شرور أخرى. إيه الشيخ الإسلام الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يديكم مونتو سو باساج سو ريسي دو الإمام أحمد. Il dit, cette position de l'imam Ahmed, sa base et son point de départ, c'est la voie prophétique. La voie prophétique en ce qui concerne le fait de protéger la communauté des séditions et des troubles. Ces séditions et ces troubles qui mènent vers le fait de faire couler le sang de la communauté et vers le fait du gaspillage et de la lapidation des biens, hein, et vers le fait que l'insécurité va s'installer et vers beaucoup et tout ceci va amener vers des grands préjudices. يقول هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحدثنا عن تلك الفتنة وصبر أهل السنة عليها. Voici شيخ الإسلام رحمه الله تعالى qui nous parle de cette sédition. Et comment les gens de la Sunna ont patienté au milieu de ces troubles et de cette sédition. قال رحمه الله وأحمد إنما اشتهر أنه إمام أهل السنة والصابر على المحنة لما ظهرت محن الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى ويقولون إن الله لا يرى في الآخرة وإن القرآن ليس هو كلام الله بل هو مخلوق من المخلوقات وإنه تعالى ليس فوق السماوات وإن محمدا لم يعرج إلى الله وأضلوا بعد ولاة الأمر فامتحنوا الناس بالرغبة والرهبة فمن الناس من أجابهم رغبة ومن الناس من أجابهم رهبة ومنهم من اختفى فلم يظهر لهم وصار من لم يجبهم قطعوا رزقه وعزلوه عن ولايته وإن كان أسيرا لم يفكوه ولم يقبلوا شهادته وربما قتلوه أو حبسوه. شيخ الإسلام يجي رحمة الله عليه دون جمع الفتاوى نسكي سيتي بخ شيخ ربيع سي. L'imam Ahmed a eu sa réputation comme imam des gens de la Sunna parce qu'il a enduré pendant les épreuves, pendant les grandes épreuves, pendant l'épreuve qu'ont fait subir les Jahmites à la communauté. Les Jahmites qui font la négation des attributs d'Allah et qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas vu dans le delà et qui disent que le Coran ce n'est pas la parole d'Allah ou, et que le Coran c'est une créature parmi les créatures l'aïdan billah et qu'ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au-dessus du ciel et ils disent que Muhammad alayhi salatu wasalam n'a pas fait l'ascension non plus vers Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont égaré beaucoup de gouverneurs parmi les gouverneurs de la communauté et ils ont éprouvé les gens par l'appât par le fait de les attirer en leur donnant de l'argent ou alors en les effrayant. Ils ont éprouvé les personnes par ces deux parties, soit par le fait de les acheter et de leur donner de l'argent, soit par le fait de les effrayer. Il y a certaines personnes qui leur ont répondu en prenant de l'argent, d'autres ont répondu par peur parce qu'ils ont été effrayés, ils ont été terrorisés. Et certains parmi eux se sont cachés complètement. Ils n'ont plus apparu depuis l'apparition de la fitna, des épreuves. Et ceux qui n'ont pas répondu à ce que veulent les jahmites, s'ils étaient juges ou autres, ça y est, ils l'ont enlevé de son poste. S'il avait un salaire, ils lui coupent son salaire. S'il avait un poste, directement, il est mis au placard. S'il était prisonnier, c'est l'ennemi, il ne paye pas le prix pour le libérer, et il le laisse. Et quelqu'un qui n'a pas répondu à leur aqida, ils ne prennent plus son témoignage, et peut-être même ils le tuent, ou ils le mettent en prison. Ainsi la fitna a été. Malgré tout ça, l'imam Ahmed il a patienté, rahimahullah ta'ala. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والمحنة مشهورة معروفة كانت في إمارة المأمون والمعتصم والواثق ثم رفع المتوكل فثبت الله الإمام أحمد فلم يوافقهم على تعطيل صفات الله تعالى وناظرهم في العلم فقطعهم وعذبوه فصبر على عذابهم فجعله الله من الأئمة الذين يهدون بأمره كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Et cette épreuve, c'est une épreuve qui est réputée dans l'histoire musulmane et qui est connue. Et elle a commencé avec la khilafa d'Ul Ma'mun et puis le Mu'tasim. Il a duré pendant la khilafa d'Ul Mu'tasim et pendant la khilafa d'Ul Wa'tiq. Le Mutawakkil a débarrassé la communauté de cette épreuve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, durant tout ce temps, il a raffirmé l'imam Ahmed. Et n'est pas rentré dans leur croyance, et dans le fait de dépouiller et de faire la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a débattu avec eux avec science. Et il les a mis au bout du mur, mais ils l'ont maltraité, ils l'ont châtié. Qu'est-ce qu'ils lui ont pas donné à tel point? Que celui qui donnait le coup de fouet, il lui a dit un jour, si le coup de fouet que je t'ai donné, je les ai donnés à un chameau, il serait mort. Mais il a patienté, rahimahullah ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, a fait qu'il soit parmi les imams qui guident avec l'ordre d'Allah azza wa jal. Parmi les emblèmes, il les guide de cette communauté. Et il a cité le verset dans la traduction approximative, dit ceci, nous avons fait des imams avec notre ordre. Nous avons fait deux des imams qui guident avec notre ordre quand ils ont patienté et quand ils avaient la certitude sur le verset et sur le signe. فَمَنْ أُعْتِيَ الصَّبْرَ وَلْيَقِينَ يقول شيخ الإسلام فَمَنْ أُعْتِيَ الصَّبْرَ وَلْيَقِينَ جَعَلَهُ اللَّهُ إِمَامًا فِي الدِّينَ. Et Cheikh l'Islam, il dit, rahmatullah alayhi, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la patience et la certitude. Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il soit imam dans cette religion. يقول الشيخ ربيع معلوم أن السلف ومنهم الإمام أحمد كانوا يكفرون بتعطيل صفات الله وبالقول بخلق القرآن وبإنكار رؤية الله في الآخرة ولم يكتفي الجهمية بهذه الفتنة بل أضافوا إليها تكفير من يخالفهم وامتحانهم بما ذكره شيخ الإسلام ومع كل هذا فلم يقوموا بمظاهرات ولا خروج وإنما قاموا بالصبر المشروع دفعا لمفسدة كبرى عن المسلمين تهدر فيها أرواحهم وأموالهم إلى غير ذلك من المفاسد. الشيخ ربيع الدي إلى situation des pieux prédécesseurs d'Allah عليهم est connu à ce niveau-là. Il fait partie d'eux, Imam Ahmed. Et les pieux prédécesseurs rendaient mécréants tous ceux qui annulaient et qui faisaient la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou ceux qui avaient la aqidah, comme quoi le Coran, il est une créature, l'aïdan billah. Ou ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas vu dans le delà. Tout cela était des mécréants pour salaf. Et le Jahmiya était dans tout ça. Et ça ne leur a pas suffi. Il n'y a pas que ça. Plus que ça, ils ont rajouté à ça, c'est qu'ils ont rendu mécréants tous ceux qui sont en divergence avec eux. Et ils les ont éprouvés, comme il l'a cité Cheikh l'Islam. Il dit, malgré tout ça, ceux qui ont été éprouvés ne sont pas sortis aux manifestations. Ils ne se sont pas rebellés contre le gouverneur. Mais ils ont patienté, la patience légiférée, pour repousser le grand préjudice et pour que le sang des musulmans soit épargné et soit protégé, leur fortune aussi, leurs honneurs, et d'autres préjudices qui arrivent quand il y a les manifestations et quand il y a la rébellion contre les gouverneurs. Et fait partie des fondements et des particularités des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, autrement dit les salafis. Et ce fondement, il découle de ce fondement, il est une partie de ce fondement qui est le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur dans l'obéissance à Allah. Ce fondement, c'est quoi? C'est le fait de prier derrière le Jumu'a ou derrière le représentant, qu'ils soient pieux ou pervers, et de combattre avec eux quand ils appellent au combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, de combattre sur leur drapeau et sur leur ordres. Et le combat dont qu'ils choisissent ici avec le gouverneur, ce n'est pas le crime sur terre, mais c'est le combat légiféré derrière un drapeau d'un gouverneur. Et non pas comme ce qu'a fait Daesh ou Al-Qaïda ou tous ceux qui se sont fait avoir dans les, en Occident, comme cet insensé d'il y a 15 jours qui a tué les innocents, qui a fait couler le sang dans l'Aude. Ceci, c'est du domaine de la criminalité et du domaine du fait de faire le mal sur terre et du domaine de faire de provoquer et d'être un moyen de provoquer l'insécurité et l'instabilité et un moyen aussi pour rendre la vie difficile aux musulmans. Et tout ceci qu'ont fait ces insensés n'est accepté ni par la raison saine, ni par les natures saines, ni par les religions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie du fait de faire du mal sur terre. Et vous voyez que les gens, et plus particulièrement la jeunesse, surtout en Europe et dans beaucoup de pays, même dans le pays de l'islam, au moment de ces fitnes, sont soit dédiviants complètement, ils sont loin de la vérité, soit des hésitants, ils ne savent pas où mettre les pieds, prenant, ils croient prendre le bâton du milieu, mais le bâton à un moment donné va se renverser contre lui, il va le taper d'un coup ou de l'autre, il va recevoir un coup. Et la troisième, que Allah subhanahu wa ta'ala, nous soyons parmi ceux-là ceux qui sont fermes sur la vérité. Il n'y a aucun doute, comme l'ont cité les hommes de science, que ce qui va aider le musulman et le jeune à être ferme sur la vérité, c'est l'apprentissage, c'est la science, c'est la mise en application de la science. S'il doit sortir de l'ignorance, il doit apprendre la religion d'Allah. Et ce qui lui est obligatoire, il connaître la voie de ses pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Qala wa azza wa jalla ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. Et il est dit dans le verset cité, c'est dans sa traduction approximative du sens, s'ils mettaient en application les choses avec lesquelles ils sont exhortés, ça aurait été mieux pour eux et ça aurait été un moyen pour les raffermir encore plus. Tout ce Coran, il est descendu pourquoi? Pour qu'on le mette en application. Et parmi les points qui permettent d'être affirmés dans la vérité, le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qala azza wa jal kadhalika liyuthabbita bihi fu'adak. Le Coran est un moyen pour être affirmé sur la vérité. Il est dit dans le verset cité ici, dans sa traduction approximative du sens, ainsi, avec le Coran, nous raffermons ton cœur. Donc, la lecture du Coran, la compréhension du Coran, la méditation du Coran, de prendre la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim, c'est un moyen pour être raffermi. Aussi la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, de la lire pour prendre la leçon. Qala azza wa jal kadhalika naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, ainsi nous te contons les histoires des messagers alayhi salatu wassalam, leurs histoires de ceux qui sont passés comme messagers alayhi salatu wassalam, pour raffermir ton cœur. C'est pas on le lit pour la lecture de l'histoire, c'est pour prendre les leçons qui vont nous servir. كذلك الدعاء s'orienter tout le temps vers Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris: Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala ta'atik. Ô toi qui tournes les cœurs, a dit le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam, raffermi mon cœur sur ton obéissance. كذلك الرفقة الرفقة الصالحة, la bonne compagnie. D'être dans une, de choisir ses compagnons, que ce soit des gens pieux. ومن الرفقة اليوم هذه المواقع فلنختار التي تنشر المنهج الحق والعقيدة الصحيحة. Il fait partie des compagnies maintenant, ces sites dans lesquels on rentre. Et donc parmi ces sites, il faut prendre les sites qui propagent la voie authentique, la voie du pieux prédisseur d'Allah Alim, qui propage une aqida authentique. Hein? Il faut s'éloigner de tous ces sites qui appellent vers l'égarement et vers la criminalité et vers la déviance. Attention à toi, ô serviteur d'Allah. Attention. Fais attention à ces sites. Car d'un clic, tu peux perdre ta vie. Et perdre ton au-delà aussi. Hein? Et ne te fais pas avoir par ceux-là qui disent le jihad, le jihad, le jihad dans ces sites. Hein? Fais attention. Combien de jeunes, hein, se sont fait avoir avec un clic? Un jour, tout seul dans sa chambre, il a appuyé. Le lendemain, il est revenu à ce site Khlas. Il s'est retrouvé et il est, a été victime. Et hein, il est devenu une de la chair à canon. Il a été victime d'un char ou d'une balle ou autre, etc. Combien de jeunes qui ont été connus par des frères, ils regardent et disent, ce jeune, il ne bougerait pas la poule sur ses œufs. Très calme, serviable. Et un matin, la sécurité de l'État vient terroriser ses parents et les réveiller à 4h du matin ou à 5h du matin. Quoi? C'est quoi le problème? Oui, le problème. La curiosité. Son doigt qui est allé là, appuyé là où il ne fallait pas. Hein? Et d'un touche, d'une touche, il s'est retrouvé à créer des soucis à sa mère, à ses parents, à sa famille, hein, à tout le monde, et à lui-même, hein, à se retrouver, hein, dans une situation de laquelle, comment il peut en sortir? Ne te fais pas avoir par ceux qui appellent al jihad, ils appellent pas au jihad, ils appellent au crime. Et chers frères, en Allah Azza wa Jal, que l'un des jihad qui t'incombe, c'est que tu fasses des efforts pour apprendre ta religion. Et il est comme il a dit Ibn al-Qayyim, 4 degrés. Accomplis-les. D'abord, que tu fasses des efforts sur toi-même, à ce que tu apprennes la religion véridique, parce que tu ne peux pas avoir de réussite, ni de bonheur, dans le delà et dans ce bas monde qu'avec cette religion véridique. Il faut que tu aies la science de cette religion véridique, sinon tu vas être malheureux dans ce bas monde et dans le delà. Deuxièmement, que tu fasses des efforts à mettre en application cette vérité que tu as appris, parce que le fait d'avoir appris sans mettre en application ne va te faire plus de mal qu'autre chose. Parce que tu seras questionné sur cette science. Et tu vas encourir la colère d'Allah de ne l'avoir pas mis en application. Troisièmement, si tu appelles vers cette vérité que tu as appris, que tu as mis en application. Hein? Sinon, tu vas être parmi ceux qui cachent la vérité. Hein? Donc, ça c'est le troisième degré. Le quatrième, c'est que tu patientes. Et tu endures sur les difficultés que tu vas rencontrer. Parce que si tu y apprends, ça c'est le premier degré. Si tu mets en application le deuxième degré, donc il faut que tu fasses des efforts pour mettre en application ce que tu as appris. Troisièmement, il faut que tu appelles les gens vers cette vérité que tu as appris. Et quatrièmement, il faut que tu patientes. Parce que dans ces cas-là, tu vas subir de la part des gens. Ordonner le bien et blâmer le mal ne va pas te laisser d'amis, comme il a dit, hein, Ouais, ce carnet. Hein, et tu dois supporter. Et pour voir ceci en plus de détails, va dans Zad al-Ma'ad et tu verras ce passage qui est très important. Donc, médite la situation à l'islam et fais très attention. Fais très attention, ne sois pas parmi ceux qui vont de l'au-delà à vil prix et qui vont perdre l'au-delà. Croyons que, ils font le bien alors qu'ils tombent dans le gouffre du plus grand mal. Et donc, pour confirmer cette particularité salafi, ce fondement sunni, Cheikh Rabi, Hafidhahullah, il dit, في شرحه لعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني عند قول الصابوني ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة. Et pour nous confirmer ce fondement salafi, l'imam الشيخ ربيع حفظه الله تعالى qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la, il dit, en interprétant la aqidat salaf, les gens du hadith, qui est aussi traduit en français, je crois. Au moment où il est arrivé à la parole de Sabouni, et les gens du hadith voient qu'il faut prier le vendredi et les fêtes derrière les imams. Et toutes les autres prières, derrière tous les gouverneurs musulmans, qu'ils soient justes, injustes, pieux ou pervers. Et les gens du hadith voient qu'il faut combattre derrière eux. Quand ils appellent au combat contre les ennemis d'Allah, il faut être derrière eux, même s'ils sont injustes ou pervers. قال الشيخ حفظه الله معلقا وهذا بخلاف الروافض إن إذ إنهم لا يرون الجمعة والعيدين مع الحكام فالروافض ينتظرون المهدي الإمام المعصوم في الجمعة والجماعة وإذا صلوا معنا فهم كذابون وإنما ذلك من باب التقية ولو أنشأوا المساجد فهم كذابون لأن في دينهم لا جمعة ولا جماعة حتى يأتي الإمام. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى دي ان كومونتون سو باساج سوسي. C'est la différence et la divergence que nous avons avec le Rawafid. Le Rawafid ne voit pas l'obligation de prier le Jumu'ah, ni de prier le Jumu'ah et les fêtes, et les prières des fêtes avec les gouverneurs. Parce que le Rawafid, ils attendent le Mahdi, l'imam infaillible. Donc concernant le Jumu'ah et concernant les prières communes, et quand ils prient avec les gens de la sunna, ils le font tout simplement pour se camoufler. Pour se camoufler. Même quand ils construisent les mosquées, ce sont des menteurs, c'est pour se camoufler. Car dans leur religion, il n'y a pas de jumu'a, il n'y a pas de prière commune sans l'imam, c'est-à-dire sans l'imam infaillible, sans le Mahdi. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون خلف أهل البدع يصلون وراء الحجاج ويصلون وراء الخوارج لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجماعة ولما حاصروا عثمان وتغلبوا في المدينة وراح إمام الثوار قبحه الله يصلي بالناس قالوا لعثمان إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني صلوا معهم, هذا قال كما قال ذي النورين, صلوا معهم لأن هذا إحسان, فإن أساءوا فلا تسيء معهم. هذا الخليفة الراشد ظلموه وافتروا وكذبوا عليه وحاصروه ومنعوه من الماء ويقولون له أنت إمام جماعة، وهؤلاء الذين يصلون بنا أهل فتنة. فقال لهم صلوا مع الجماعة فإن أحسنوا فأحسنوا. إيه لنبل كومبانيون رضو الله عليهم prier derrière les gens de l'innovation. Ils ont prié derrière le Hijjaj. Pourtant le Hijjaj, qu'est-ce qu'il n'a pas fait couler comme sang? Il a fait couler le sang de grands hommes de science. Et il prie, les nobles compagnons priaient derrière le Khawarij. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné l'union, le Jama'a. Il a ordonné le fait de faire les prières communes. Hein? Et quand ils ont encerclé, quand le Khawarij ont encerclé Uthman radiallahu anhu, et qu'ils se sont accaparés de la ville de Médine, et que l'imam, le leader plutôt, des révoltés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le châtie comme il mérite, il est parti prendre la place de Uthman ibn Affan comme imam de la prière. Des gens sont venus vers Uthman ibn Affan. Hein? Lui, ils l'ont plus laissé sortir faire la prière, ni prier, hein? La prière commune avec les gens. Khlas. Ils sont venus voir Uthman ibn Affan. Il lui dit, tu es l'imam de la majorité, tu es l'imam de la communauté. Et tu es dans telle situation, il t'est arrivé cette épreuve. Et cet imam de la fitna, hein, ce leader de la fitna, il vient et prie, il prend ta place. Et nous, nous sommes gênés de prier derrière lui. Et nous, on est gênés d'être derrière lui, parce que c'est ta leader de la fitna et c'est un imam de la fitna. Et il leur a dit, radiyallahu anhu arda, la prière, c'est la meilleure des œuvres qu'accomplissent les gens. Quand ils font le bien, c'est la bonne œuvre qu'ils accomplissent. Hein? Quand ils accomplissent le bien, accomplis-le avec eux. Et quand ils font mal, abstiens-toi. Éloigne-toi, évite le mal. Hein? Ça veut dire quoi, comme il dit Cheikh Rabbi? Prie avec eux, parce que c'est un bien. Mais quand ils font le mal, ne le fais pas avec eux. Et c'est qui a dit ça, qui les a orientés comme ça? Le khalif. Parmi les quatre khalifs, le troisième khalif de cette communauté. Ils ont été injustes avec lui. Ils l'ont calomnié. Ils ont menti sur lui. Ils l'ont emprisonné. Ils l'ont privé d'eau. Hein? Et quand un compagnon est venu voir Uthman ibn Affan, lui a dit, tu es l'imam. Tu es l'imam de la communauté. Et cela, il dirige la prière. Il nous dirige dans la prière. Alors que ce sont des gens du trouble et de la sédition. Il leur a dit, priez avec le groupe. S'ils font le bien, faites-le avec eux. C'est qui ça? Uthman ibn Affan radiallahu anhu arda. Compare ça avec ce qu'on font les insensés du monde moderne maintenant. Parmi les leaders de ces partis qu'il y a. يقول الشيخ ربيع انظروا الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف وأشدها لا تغلب عليه عاطفة ولا هوى يحكم شرع الله إن أحسن الناس فأحسنوا. Il dit, regardez comment ils se comportent au livre et à la sunna dans les moments les plus difficiles et les plus pénibles. Ses sentiments ne l'ont pas emporté, ses passions ne l'ont pas emporté. Il met en application la législation d'Allah et il leur dit, si les gens font le bien, faites-le avec eux. Hein? فأهل السنة أخذوا بهذا المنهج يصلون وراء ولاة الأمور ولو كانوا جورا يصلون وراءهم الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات كصلاة الكسوف والاستسقاء، أي صلاة يصلونها يصلي معهم، أي صلاة تشرع فيها الجماعة. لا نقول هذا الإمام مبتدع أو هذا الإمام فاجر أو فاسق، بل نصلي معه الجماعة. إيه الشيخ ربيعي اللي les gens de la sunna ont mis en application cette voie. Ils prièrent tous les gouverneurs, même s'ils sont injustes. Ils prièrent eux, les prières du vendredi, les prières des fêtes et les autres prières, comme la prière de l'éclipse, comme la prière de la demande de la pluie. Hein? Toute prière qu'ils prient, ils prient derrière eux. Ils les prennent comme imams, ils sont derrière eux. Toute prière qui est légiférée, la prière commune et ainsi de suite. On ne dit pas, ça c'est un imam innovateur, ou là ça c'est un gouverneur innovateur, ou ça c'est un gouverneur pervers, ou ça c'est un gouverneur injuste, etc. On prie derrière eux. Et on préserve le jama'a. Hein? يقول ولو تركنا جهاد الكفار معهم وقلنا والله هذا الإمام فاجر كيف تقاتل معه، وجاء العدو وهجم على بلادنا لا نقاتله ولا ندافع عليه لأن الحاكم فاجر، لضاعت بلاد المسلمين وتغلب الكفار وانشئت الكنائس والبيع ووبحت المحرمات إلى آخره. Il dit maintenant, si on délaisse le combat derrière le combat des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière le gouverneur, et on dit ce gouverneur il est pervers, comment on combattre avec lui, on ne combat pas avec lui. Et l'ennemi est arrivé, il est rentré dans le pays, hein? On ne combat pas avec le gouverneur, on ne défend pas le pays parce que le gouverneur il est pervers. Dans ce cas là les pays de l'islam vont être perdus, hein? Et ils vont être colonisés. Hein? Et dans ces cas-là, vont apparaître dans les pays de l'islam, les églises, les synagogues, et tout ce qui est illicite sera autorisé, et ainsi de suite. يقول فوجود الحاكم ولو كان فاسقا فيه احترام للإسلام وتكون شعائر الإسلام قائمة ويحصل به خير كثير ولو كان فاجلا في نفسه ولو انتشر شيء من فجوره، لكن إذا قارنت بين احتلال الكفار لبلاد المسلمين وبين حكم هذا الفاسق وما يوجد في حكمه من الفساد لوجدت المسافة كبيرة وعظيمة جدا. Il dit الله سبحانه وتعالى préserve. L'existence d'un gouverneur sur un pays musulman, à la tête d'un pays musulman, même s'il est pervers, il y a dedans le respect de l'islam et les actes de l'islam vont être accomplis. Il va y avoir un grand bien qui va s'accomplir sous l'autorité de ce gouverneur pervers. Sa perversité, elle est pour lui. Il en sera questionné, inshallah subhanahu wa ta'ala. Hein? Même si ça, c'est, certaines de ces perversités se sont propagées. Mais si tu compares ça, la perversité du gouverneur et certaines perversités propagées du gouverneur, si tu les compares à la colonisation des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala des pays de l'islam. Hein? Tu compares ça à cette colonisation à la façon de gouverner de ce gouverneur pervers. Hein? La situation est énorme. Il y a une grande différence entre le fait d'être gouverné par un colonisateur et d'être gouverné par un gouverneur qui n'est pas musulman et d'être gouverné par un gouverneur musulman qui est pervers. Hein? Même s'il y a des préjudices. Hein? Donc, sa façon de gouverner, il en découle certains préjudices. Mais ils ne seront jamais, hein, comme le préjudice que tu vas subir si tu es sous la colonisation d'un ennemi d'Allah. يقول إذن هم يعني أهل السنة يراعون المصالح والمفاسد في التزامهم بالجهاد مع الحاكم الفاجر. ولو أخذنا برأي الخوارج والروافد لا نقاتل مع حاكمنا لأنه فاجر، وجاءتنا بريطانيا أو أي دولة يهودية ونصرانية احتلوا بلادنا ولا نجاهد معهم، ما هي النتيجة؟ نسأل الله العافية. Il dit donc les gens de la Sunna prennent en considération le bien et le préjudice, les intérêts de la communauté et les préjudices. Hein? Ils prennent ça en considération dans le fait de combattre avec le gouverneur, même s'il est pervers. Il dit, si maintenant on prend l'opinion et la position des Khawarij et des Rawafid, on ne combat pas avec le gouverneur parce qu'ils sont pervers, et il arrive que rentre dans notre pays la Grande-Bretagne ou un pays juif ou chrétien ou autre, et il vient coloniser notre pays, on ne combat pas avec le gouverneur, dans ces cas-là, le résultat ça va être quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. يقول وقال حفظه الله في شرح وصول السنة للإمام أحمد ما دام الجهاد ماضيا إلى يوم القيامة فيجب أن نجاهد تحت راية الإمام البري أو الفاجر، وفعل هذا السلف كابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حنبل، كان يخرج وغيره يخرجون إلى الثغور يجاهدون تحت لواء الدولة العباسية. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve dans l'interprétation des fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Hein? Tant que le combat existe, et le combat existe jusqu'au jour de la résurrection, il est obligatoire de combattre derrière un gouverneur. Et sur l'étendard et le drapeau d'un gouverneur. Hein? Que ce gouverneur soit pieux ou qu'il soit pervers. Et c'est ce que les pieux prédécesseurs ont fait. Abdullah ibn Mubarak, l'Aouza'i, Imam Ahmed, tous ils sortaient, d'autres hommes de science sortaient vers les champs de bataille et ils combattaient sur le drapeau de la dynastie Abbaside et autres. يقول وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة. يعني صلاة الجمعة خلف الإمام وخلف من ولاه من الأمراء والقضاة وأئمة المساجد. يقول أي أحمد جائزة باقية تامة ركعتين، يعني هذه الجمعة، ومن أعادهما فهو مبتدع. بعض الناس يعيد صلاة الجمعة يعني لعذر في نظره، يعني إما لأنه ما بلغ العدد 40، وإما لأن الإمام يرى صلاته ليست صحيحة، وهذا شر من ذاك، هذا مبتدع. حتى لو كان الإمام في الجمعة مبتدعا صلي ولا تعد، ولو كان جائرا صلي معه ولا تعد، فإن أعدت صلاة الجمعة فأنت مبتدع. Et toujours les paroles de l'imam Ahmed qui rapporte et qu'il commente, Hafidhahullah Ta'ala, et la prière du vendredi derrière l'imam, hein, et derrière ses représentants, ce qu'il a mis en poste, il est valide. Il faut la faire derrière lui. Il parle ici, comme dit, la prière de Jumu'ah derrière le gouverneur et derrière ses représentants, que ce soit les juges, que ce soit les imams de mosquée. Imam Ahmed il dit, cette obligation de prier derrière eux reste. Et que le Jumu'ah, tu le fais derrière ton gouverneur d'Orqa'at, ou derrière ceux qui le représentent d'Orqa'at. Et celui qui recommence sa prière, c'est un innovateur, dit l'imam Ahmed. Et Cheikh Rabi, il dit, certaines personnes recommencent leur Jumu'ah pour eux, une excuse. Selon leur opinion, soit parce que le nombre de prières de Jumu'ah n'est pas arrivé au nombre de 40, soit ils voient que la prière de l'imam n'est pas bonne, n'est pas valide, et ils disent celui-là il est pire que l'autre. Ils disent celui-là c'est un innovateur. Et il dit rahimahullah, hafidhahullah, même si l'imam, tu préférerais un imam le Jumu'ah et qu'il est innovateur, tu pries derrière lui. Hein? le gouverneur ou celui qui l'a mis en place, etc. Tu pries et tu ne recommences pas. Même s'il est injuste, tu pries derrière lui et tu ne recommences pas. Et si tu recommences ta prière du vendredi, tu es innovateur. Hein? Donc ceci est très important et c'est la voie de nos pieux prédécesseurs d'Allah. On ne peut pas faire autrement. Et fait partie aussi des fondements des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est qu'ils ne... ils interdisent le fait de se rebeller contre le gouverneur ou le fait de créer un putsch militaire pour le mettre de côté. Hein? Parce qu'il est pervers ou parce qu'il est désobéissant ou autre. Hein? Il voit l'interdiction. Hein? Et plus d'un nombre de sciences ont ramené le consensus. Le consensus des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, qui concerne le fait de l'interdiction de se rebeller contre un gouverneur injuste ou pervers. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de hadiths qui l'interdisent. Parmi ceux qui ont rapporté le consensus, Nawawi rahimahullah, dans Sharh Muslim, Ibn Battal aussi dans son Sharh qu'il a fait à Sahih al-Bukhari, et Abu Uthman Sabouni dans Aqidat Salaf, les gens du Hadith, Cheikh Abd Latif Ibn Abd Rahman Ibn Hassan al-Sheikh, dans Mjmou' al-Rasail ou le Masail Najdiya, Cheikh al-Islam Ibn Taymiya et d'autres ont rapporté le consensus et l'unanimité sur le fait on ne peut pas se rebeller et prendre les armes contre un gouverneur. Ils ont émis des conditions à ça qui sont très sévères. Dans le fait, il y a le fait de prendre en considération la communauté et les vies humaines. Et donc, وفي تقرير هذا الأصل السلفي العظيم يقول العلامة المجاهد ربيع المدخلي حفظه الله تعالى وغفر له المنهج عند أهل السنة والجماعة أن الإمام لا يعزل بالمعصية وبالمخالفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهم جميعا. Et pour confirmer ce fondement salafi, ce grand imam qui est Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, il dit la voix des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, hein, et sur le fait que on ne met pas de côté l'imam et on ne se révèle pas contre lui parce qu'il a, il commet des désobéissances à Allah, ou il accomplit certaines divergences, hein, et il est pervers ou autre. Et il a rapporté le hadith, rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui déteste quelque chose de son gouverneur, qu'il patiente. Il dit, tout un chacun, qui sort de l'obéissance de son gouverneur d'un empon, il meurt comme ça, en étant en dehors de l'obéissance à son gouverneur, il mourra la mort des gens de la période pré-islamique. Pourquoi cette image? Parce que les gens de la période pré-islamique ne voient pas le pouvoir de quelqu'un sur eux, ils ne voient pas d'obéissance à qui que ce soit. Hein? Et donc tu vois la situation comment elle est? Mourir dans cette situation-là, c'est énorme. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, فيما أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم دي لوسكي رابورتي بار الإمام البخاري والإمام مسلم le musulman doit écouter et obéir concernant les situations et les choses qu'il aime et les choses qu'il déteste. Hein? Sauf si on lui demande, on lui ordonne une désobéissance, dans ces cas-là, il n'écoute pas, il n'oublie pas. Et donc, tout ce qui est l'obéissance à Allah, il écoute et il obéit. Dans la désobéissance, il n'obéit pas. يقول ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم Un homme a posé la question, dans ce qui est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, a posé la question au messager, alayhi salam, lui dit, ô prophète d'Allah, tu vois, nous avons des gouverneurs qui nous gouvernent et qui nous demandent de nous acquitter de nos devoirs vis-à-vis d'eux, mais ils ne nous donnent pas notre droit. Ils ne s'acquittent pas de nos droits et de leurs devoirs vis-à-vis de nous. Qu'est-ce que tu nous ordonnes, ya Rasulallah ? Rasulallah s'est détourné de lui. Il a posé la question une deuxième fois, il s'est détourné. Et la troisième fois, et à ce moment-là, l'Ash'at ibn Qays a attiré cet homme. Et Rasulallah s'est détourné, m'a dit, écoutez et obéissez, car vous devez vous acquittez de vos devoirs et eux, ils vont rendre compte de leurs responsabilités. Vous devez vous acquitter de vos devoirs et eux, ils vont rendre compte de leurs responsabilités. Voilà ce qu'il a conseillé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le Cheikh Rabbi Ondor, « قال يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا » Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam يسكت يرى أن هذا السؤال سيكون مثار فتنة ومثار بلايا فسكت وسكت عنه وأخيرا قال له اسمعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وفي رواية أعطوهم حقهم فإن الله سائل عما استرعاهم إيه الشيخ ربيع الجي غقاضي L'homme a dit, les gouverneurs nous demandent de nous acquitter de nos devoirs vis-à-vis d'eux. Ils nous interdisent notre droit. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Parce qu'il voit, des Cheikh Rabi, il voit que dans cette question, c'est une question de cause de sédition. Cause d'épreuve et de et du trouble. Il s'est tué, alayhi salatu wassalam. Et à la fin, il lui a dit, écoutez et obéissez. Ils rendront compte de leurs responsabilités et vous devez vous acquitter de vos devoirs. Et eux, ils vont rendre compte de leurs responsabilités. Dans l'autre version, donnez-leur leurs droits. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur posera des questions sur leurs responsabilités. Khalas. Ça, c'est l'orientation prophétique. يقول حفظه الله فأهل السنة والجماعة صاروا على هذا المنهج والأحاديث كثيرة في هذا ومنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان إلى حفظه الله تعالى Les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna ont pris cette voie-là. Ils sont sur cette voie-là. Et les hadiths sont nombreux qui orientent vers cette voie. Et parmi ces hadiths, il y a le hadith de Ubad ibn Samit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, qui a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés et nous lui avons fait l'allégeance, et parmi les choses sur lesquelles on lui a fait l'allégeance, on lui a fait l'allégeance sur le fait d'écouter et d'obéir à qui? Au gouverneur de l'obéissance à Allah. Que ce soit dans les moments de bien ou dans les choses qu'on déteste, au moment de l'aisance, au moment de la difficulté, même quand il s'accapare des biens de ce bas monde et des postes, on obéit, et qu'on ne doit pas les concurrencer ni prendre l'arme contre eux, sauf si une voix, une mécréance claire sur laquelle on a des preuves claires d'Allah Azza wa Jal. Mais encore une fois, je le répète, ceux qui voient la preuve claire, ce n'est pas nous. Ce sont les hommes de science dignes de la voix. C'est eux qui savent et aussi qui vont analyser la situation et faire prévaloir l'intérêt de la communauté et faire éviter à la communauté les préjudices. Quant aux jeunes et à la masse, ce n'est pas leur domaine. Ce n'est pas du tout leur domaine. Hein? Les jeunes et la masse doivent rester derrière les hommes de science pour épargner à la communauté les séditions et les troubles. يقول والحاصل أن مذهب أهل السنة أن الفاسق الفاجر من الحكام لا يعزل بفسقه وفجوره وإنما يجوز لنا عزله إذا استطعنا إنما يكون بالكفر البواح أو بترك الصلاة لأن ترك الصلاة كفر ويكون مع هذا القدرة وعدم المفسدة الكبرى. Le résultat de tout ça, le résumé de tout ça, c'est que la voix des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, c'est que le pervers et l'injuste parmi les gouverneurs, on ne le met pas de côté, on ne sort pas contre lui, on ne prend pas les armes contre lui parce qu'il est pervers, parce qu'il est injuste, etc. Il est permis de le mettre de côté, hein, quand il est tombé dans la mécréance claire en délaissant la prière, parce que le délaissement de la prière, l'abandon de la prière, c'est une mécréance. Mais on ne peut le mettre de côté que si on en a les capacités et que le fait d'aller le mettre de côté va pas entraîner la communauté dans un grand préjudice. C'est-à-dire qu'il faut éviter les bains de sang, qu'il faut éviter, etc., et ainsi de suite. Hein? Et non pas, tu vois, Had, devant toi, on ouvre une parenthèse, devant toi, tu as vu, depuis hein, qu'ils ont appelé le printemps arabe, ce qu'il y a eu, ces insensés, que ce soit les frères musulmans ou autres, ils ont amené la communauté vers quoi? Vers les bains de sang. Hadou, ils ont analysé la situation. Ils ont fait prévaloir l'intérêt de la communauté ou là, ils ont fait prévaloir juste leur désir, leur passion pour prendre le pouvoir. Hein? Et sache que les frères musulmans, Dawaïch, Al-Qaïda, Al-Hadou, Al-Tkfirion de tous bords, qu'ils soient Qutbi, Sururi, autres, hein? Les Hijra ou Tkfir, Tkfir bidoun Hijra, et ainsi de suite. Tous ces hadiths que tu viens d'entendre, ils ne les prennent pas en considération. Ils ne les prennent pas en considération. Abadan. Hein? Walou. Ils passent à côté. Non. Pourtant, c'est des hadiths clairs. Et la majorité de ces hadiths se trouvent dans le livre d'Al-Fitan, de Sahih Muslim. Ils sont authentiques. Et certains sont rapportés par l'imam Bukhari et l'imam Muslim en même temps. Hein? Et les hadiths, ils sont nombreux à ce niveau-là. Hein? وقال حفظه الله وسدده الخروج عليه أي على ولي الأمر مخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة حتى ولو كان كافرا لا تخرج عليه إلا إذا كان هناك قدرة وهناك مصلحة راجحة وليس هناك مفسدة راجحة، حينئذ إذا أمكن التخلص منه فذاك، وإلا فالأصل الصبر. أما وهو مسلم فما دام في دائرة الإسلام وما دام يصلي فلا يجوز الخروج عليه حتى يروا الكفر البواح فيخرج بالشروط التي ذكرت. إيه إلى ذكر الله سبحانه وتعالى البريزيرف se révéler contre le gouverneur il est contraire, il est en contradiction complète avec les textes conformes les textes confirmés de notre messager alayhi salatu wassalam. Et il est en contradiction avec l'un des plus grands fondements des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Même s'il est mécréant ce gouverneur, tu ne sors pas, tu ne te révèles pas, sauf si tu en as la capacité, si tu as la capacité, et s'il y a un intérêt clair. C'est le bien l'emporte sur les préjudices. Et qu'il n'y a pas de préjudice qui va en découler. Dans ces cas-là, s'ils peuvent s'en débarrasser, ils peuvent le faire. Sinon, l'obligation c'est quoi? La patience et l'endurance. Et ce qu'il dit, calcule-le sur la situation en Syrie. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, combien de Syriens, combien de femmes, combien d'enfants, combien d'orphelins, combien de veufs, combien d'exilés maintenant ils sont à travers le monde. Voilà, la divergence avec ce fondement. Le fait de n'avoir pas pris la voie du plus prédisseur d'Allah Alim, la voie sur laquelle étaient les compagnons et les grands imams de cette communauté. Le fait de n'avoir pas mis en application ce fondement. Il dit, mais tant qu'il est musulman, il prie, il n'est pas permis de se révéler contre lui. Jusqu'à ce que vous voyez une mécréance claire. Et mais il faut les conditions pour pouvoir sortir, se rebeller contre lui. S'il n'y a pas les conditions, il n'y a rien. Et encore une fois, ceux qui décrètent la mécréance claire, ce n'est pas toi ni moi, et ce n'est pas la masse musulmane, ni la jeunesse musulmane. Abadan. Ce sont les hommes de science dignes. Ce sont Al-Hal ou Al-Iqd. C'est eux qui vont analyser les situations. Une fois qu'il leur apparaît qu'il est dans la mécréance, c'est eux d'analyser la situation, c'est eux de dire on a la capacité ou là on l'a pas. Et ce qu'ils décident, nous on est derrière eux. On bouge pas. Et tant qu'on agit ainsi, on reste derrière nos grands temples de science et qu'on respecte les fondements sur lesquels étaient nos pieux prédécesseurs, radhiyallahu anhum, les compagnons et ceux qui les suivent à la perfection, on sera un moyen de sécurité et de stabilité pour la communauté. Et tant qu'on va sortir de cette voie, on sera un élément perturbateur de la société. Comme ces insensés que tu vois par moment et par autre, qui ne connaissent pas la voie de leur pieux prédisseur, radhiyallahu anhum, et dès qu'ils tombent dans la main d'un beau parleur, qu'ils rentrent dans un site de ceux qui appellent à la criminalité, tu les vois. Qu'est-ce qu'ils font en Occident? Ils assassinent, ils tuent les innocents, ils font rentrer l'islam et les musulmans dans le box des accusés. Et ils rendent la vie difficile à la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils sont en divergence avec la voie sur laquelle était le messager alayhi salatu wassalam, ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la science bénéfique et que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de la déviance. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا.